Ici Luc Simard. À titre de préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine, je tiens à profiter du mois de l'arbre afin de souligner l'importance qu'a la forêt pour notre communauté. Nous sommes choyés car nous avons la chance de posséder l'un des plus importants parterres forestiers du Québec. Cette importante ressource constitue non seulement notre principal moteur économique, mais aussi un immense terrain de jeu pour tous nos citoyens. Soyons-en fiers et assurons-nous de l'aménager et la protéger afin que nous puissions léguer une forêt en santé aux générations futures. Ici Mario Fortin, maire de la ville de Normandin. Le mois de mai est décrété le mois de l'arbre et de la forêt. Il est important de souligner la contribution de la forêt à notre activité économique et de tout ce qu'elle apporte à nos communautés. La forêt, c'est des milliers de travailleurs qui chaque jour gagnent leur vie. C'est aussi la villégiature, l'environnement et le milieu de vie d'une multitude d'espèces. Il faut souligner les contributions de tous et chacun dans les efforts de développement durable et de conservation. Ça a été également le temps de confronter les prises de position négatives et mensongères de certains groupes d'activistes environnementaux sur nos modèles de gestion qui, selon eux, détruisent nos forêts. Je souhaite que tous les bénéficiaires touchés par cette ressource continuent leurs efforts, leurs discussions, leurs réflexions dans un esprit de développement durable qui permettront à nos générations futures de pouvoir profiter pleinement de nos belles forêts en santé. Comme à tous les jeudis du camp d'entraînement de la LCF, je suis content qu'on sache ce qui se passe avec Alexandre Gagnon et même Shane Gauthier. On va parler d'abord avec Alexandre Gagnon qui est à Calgary. On va y parler à tous les jeudis. Salut Alexandre! Salut Dan! Alexandre, cette semaine, la pire dernière fois qu'on s'est parlé, comment ça s'est passé? Écoute, ça s'est toujours bien passé. On a eu le match entre équipes ce dimanche. Okay. Puis là, depuis ce temps-là, on a un horaire un peu plus relax, là. Plus de style de saison avec moins de pratique, moins de meetings. Donc, on a eu le temps de reprendre un peu sur la fatigue accumulée. Donc, ça va bien. OK. Dis-moi, comment c'était dans le match intra-équipe? C'est un match quand même... À deux matchs pré-saison, c'est pas beaucoup. Fait que le match inter-équipe, il était important. Comment ça a été là, dans ce match-là? Ben, ça a bien été, mais les gars étaient beaucoup fatigués, il faisait chaud, donc ils ont coupé le nombre de jeux qu'on a eu. On a eu probablement chacun une quinzaine de jeux, donc c'était pas beaucoup. C'était surtout pour évaluer un peu notre façon d'aborder certaines situations comme fin de demi, fin de match, lorsqu'on perd par un point ou lorsque l'offensive doit absolument marquer des points. C'était surtout ça qu'ils voulaient travailler. Ils appellent ça ici les situations de match. OK, ben oui, c'est clair. Donc, demain, tu vas jouer contre BC, que tu m'aimes le confirmer. Marc-Éric Bouchard me l'a confirmé également. Tu vas être comme deuxième ailier défensif de ta position naturelle. Moi, je vois ça comme un bon signe. Sais-tu, il faut rien présager, mais est-ce que tu es d'accord avec moi? Non, en fait, tout le monde joue au match demain. OK. Donc, je pense pas que ça va vraiment dire grand-chose, mais... C'est vraiment les deux matchs pré-saison, c'est les deux évaluations les plus importantes pour faire l'équipe. Donc, c'est sûr que c'est un gros match pour moi demain. OK. Puis, Marc-Éric me disait également qu'il avait parlé avec le descripteur radiophonique des Stamps. Lui, il est pas mal convaincu que tu vas faire l'équipe, sauf qu'il ne sait pas encore si ça resterait à confirmer si c'est l'équipe d'entraînement ou l'équipe régulière. Donc, ça, évidemment, les matchs pré-saison vont en dire beaucoup, beaucoup de la suite des choses. La prochaine semaine, qu'est-ce qui va se passer avec toi? Il y a le match demain, puis par la suite, il va y avoir des journées de repos, j'imagine? Oui, le lendemain, on a une journée de repos, puis ensuite, c'est vraiment un horaire de saison où on a seulement un meeting et un entraînement par jour. Okay. Puis vendredi ou samedi, je crois, on prend l'avion pour Regina où on va jouer notre deuxième match contre Saskatchewan. OK. Ben Alexandre, on va te surveiller de très très près, évidemment, comme on le fait habituellement, et on se reparle jeudi prochain. Merci, Dan. Alexandre Gagnon de Dolbeau-Mississippi, qui est au camp des Stampeders de Calgary.